Denis Lelièvre pour une émission spéciale du Radio-Temps, de CKRL. Et c'est une discussion, une table ronde, un panel sur la situation actuelle du jazz au Québec. Et ça va se structurer en trois temps, c'est-à-dire 3 fois 20 minutes pour laisser le temps justement à Yvan et à moins 10 au pub et à l'encan. Et on va structurer ça en deux temps, c'est-à-dire d'abord, on peut pas s'empêcher quand même, c'est 50 ans, donc 5 ans de couverture, 50 ans de jazz et de couverture de jazz, avec retour dans le temps, anecdotes et tout ça. Et puis, il y aura une prestation musicale d'un musicien emblématique de la musique d'aujourd'hui, et j'ai nommé Carl Mayotte, l'un des rares musiciens capables de nous entretenir en solo avec une basse électrique un certain temps. Et puis, après ça, ben, dans le deuxième 20 minutes, oui, on essaiera d'envisager les enjeux et les défis de ce jazz éventuellement à venir. Alors, avec moi, une équipe d'or, je pense. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de réunir des productrices et des producteurs de jazz à cause de la vue d'ensemble qu'ils ont. Et aussi d'avoir une musicienne ou un musicien. Dans ce cas-ci, c'est Carl Mayotte, bonjour. Et Patricia aussi. Et Patricia, qui est poli, pour avoir le point de vue d'une musicienne, d'un musicien. Et nous avons le bonheur d'avoir André Ménard, co-fondateur, avec Alain Simard, du célèbre Festival international de jazz de Montréal, et puis de Spectra. De la salle Spectra, de bien des choses. Spectra de Métropolis. Métropolis et tout ça. Et qui a été sacré, nommé, ça devait être le fun, Chevalier des Arts et des Lettres du Québec. Ah, ça se fait longtemps, 192, mais quand même. Mais je pense, il n'y a pas eu quelque chose d'autre à votre retraite, à André et à toi. J'ai eu l'Ordre du Canada et l'Ordre de Montréal. OK, ça s'est ajouté. Il manque l'Ordre du Québec. Et là, on pourra peut-être te donner l'Ordre de CKRL. Mais ça va, je suis on déjà a content. Un mur qui est prêt juste pour ça. Et Simon Fouillard, bonjour. Bonjour, Denis. Et Patricia Deslauriers, bonjour. Vous êtes là, entre autres, pour représenter l'actuel festival de jazz de Québec qui s'appelle Jazz en juin, qui fête déjà un anniversaire, son 5e, et qui a lieu de la fin juin au début de juillet. Alors, on utilise ce premier 20 minutes, ou ce qu'il en reste. On va y aller un petit peu à tour de rôle d'abord, puis après ça, vous pourrez échanger spontanément pour qu'il y ait de l'interaction. Je commencerai par toi. Évidemment, André, tu as fini par finir, c'est-à-dire vous avez une longue carrière. J'ai assisté à toutes les éditions du festival. Je les ai couvertes ici, depuis ici. Dès celui à Terre des Hommes en 1980. Et monsieur, oui. Je trouvais ça vraiment le fun. Alors, toi, comment tu vois ça à rebours? Parce que c'est presque 40 ans, vous avez André et toi quittant en 2018. Oui. 19. Je pense que il y avait une image dans une chanson de Fiery Séguin qui parlait de l'avion qui a atterri un peu plus loin que prévu. Dans mon cas, c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Le festival de jazz, au début, je dois dire qu'Alain et moi, on produisait beaucoup d'artistes québécois et des artistes de jazz. Le rock était monopolisé à Montréal par Donald K. Donald et le Forum. Monopolisé, c'est un terme juste. Donc, je dirais pas que c'est par dépit, mais on avait nos habitudes dans le jazz et le blues parce que c'est une musique qui n'intéressait pas les producteurs mainstream. Et nous, ça nous intéressait. Les radios. On était déjà des amateurs et on en a fait un travail, une profession. Mais en même temps, ça s'est fait dans un plaisir immense et beaucoup, beaucoup de chance. Dans le cas de Montréal, on soupçonnait que les gens aimaient les grands événements à Montréal. Il y avait un certain manque après l'Expo 67, après le programme culturel des Jeux olympiques et tout. Ça avait laissé des souvenirs, des marques. Et le Festival de jazz, innocemment et un peu sans le savoir, s'est un peu inscrit dans cette foulée-là. Et dès la première année à Terre des Hommes, on a senti qu'il y avait un peu d'intérêt. En déménageant dans le quartier latin, il y avait déjà beaucoup plus d'intérêt. Devant Saint-Denis, entre et autres. Et quand on est devenu ce qui est... En fait, c'est le blueprint du quartier des spectacles que le Festival de jazz a inventé. Tout à fait. Se répandant sur le quartier latin et autour de la Place des Arts. Et j'ai été le premier à proposer à la Place des Arts qu'on fasse une association avec le Spectrum et d'autres salles pour voir l'avènement du quartier des spectacles à Montréal. Donc, le Festival de jazz a fait œuvre utile, mais en même temps, le fun qu'on a eu à faire ça pendant toutes ces années-là, toutes les rencontres, les artistes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu collaborer, suggérer des choses, ça a été un parcours enchanté. Très franchement, parfois j'y pense, puis j'ai un peu de nostalgie du temps où, par exemple, on a créé la série Invitation avec Charlie Hayden, qui avait fait 8 soirs avec des invités, mais une brochette incroyable. Puis des cartes blanches. C'est ce qu'on appelait Invitation, mais ouais. C'était en fait des cartes blanches. Et pendant toutes ces années-là, j'ai pas vraiment vu le temps passer. C'est très, très franchement, quand je regarde derrière la naissance de Diana Krall, sa carrière qui a pris son envol à Montréal, c'est une chose qui m'a rendu très fier dans le temps. Et, mais maintenant, quand je vois ça, je vois qu'on a quand même participé à beaucoup d'autres événements qui ont contribué, je pense, à faire connaître et à faire apprécier des musiciens, autant d'ici que d'un peu partout. Et ça, franchement, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Comme je vous dis, ça s'est fait un peu dans l'improvisation, ce qui est typiquement jazz, et dans le plaisir. Mais à mesure qu'on faisait ça, les responsabilités étaient énormes aussi. Quand on fermait le centre-ville de Montréal, la ville nous remettait les clés du centre-ville, mais il fallait être très responsable au niveau de la sécurité, l'entretien, etc. Donc, et on a toujours répondu présent à ces obligations-là, mais en gardant toujours à l'esprit que ce qu'on faisait, c'était un festival de musique pour les musiciens et les amateurs de musique. Oui, ce qui fait qu'à ce jour, quand je vais dans les magasins de disques, des fois, on me demande des conseils. Chose qui me surprend toujours. C'est plaisant, ça. Mais qui me flatte beaucoup aussi. Et on disait que vous étiez le plus gros festival de jazz au monde, à un moment donné. Oui, je pense que ça l'est encore pas mal, mais il y a beaucoup d'événements d'envergure dans le monde maintenant. J'ai beaucoup voyagé dans les festivals. Ben oui. Celui de New Orleans qui a lieu actuellement, qui est fantastique. Celui à Londres à l'automne, dans lequel j'ai vu toute la scène londonienne grandir ces 15 dernières années, voir ce que ça donne maintenant. J'ai été un témoin privilégié de ça parce que j'étais sur place à chaque mois de novembre et j'ai vu tous les Go-Go Penguins et toutes ces bandes extraordinaires qui maintenant sont très importants. Et je souhaiterais pour la scène québécoise de jazz d'avoir le même genre de destin que ce qui s'est passé à Londres. On va revenir à la fois sur le contenu et l'éventuelle évolution qu'a pu vivre le festival. Et puis quand même sur des questions financières, parce que vous étiez imputable, c'est quand même un poids beaucoup sur les épaules. Patricia, qui a longtemps travaillé à Montréal comme musicienne, derrière des bandes, dans des studios, t'as vu ça passer. Quelle est la perception que tu gardes, non pas de ce festival en particulier, mais de l'ensemble de l'évolution de la scène du jazz, autant des gens de l'extérieur qui viennent nous visiter que des efforts des gens d'ici pour rencontrer les gens d'ailleurs? Bien, on n'a pas le choix, là. Tu me dis de pas parler du Festival international de jazz de Montréal, mais c'est un incontournable. Pas uniquement, je dis. C'est vraiment... Oui, c'est un incubateur, c'est un grand responsable. C'est un festival que J'ai été autant comme artiste invité que comme spectatrice. Mon premier show que j'ai fait sur la scène avec un big band en 86. Donc, c'est quand même dans les débuts du festival. C'était déjà gros. C'était déjà énorme en 86, le festival. Donc, ah oui, 4, 5, 6, des belles années. C'est fou, et c'est vrai que c'est un endroit où les artistes se rencontraient. Je me souviens aux magnifiques soirées du Méridien. Moi, ça va toujours rester dans mes moments favoris parce qu'il y avait des artistes qui venaient de partout et c'était un incubateur incroyable. Pour des jam sessions. Oui, c'était à ne pas manquer. Vraiment, on savait pas qui allait être là ce soir-là, mais c'était toutes des soirées mémorables. Et je pense que Simon a eu aussi la piqûre en assistant au jam du Méridien, n'est-ce pas? Absolument. J'ai adoré mes fins de soirée au Festival de jazz de Montréal. Dans les jam sessions, j'ai vu des moments... C'est de ça que tu parles, Denis, pardon? Tout à fait. Tout à fait. J'ai vu des moments extraordinaires. Là. Des Cécile McLaurin, Salvant, c'est tout début, jammer au jam de Montréal. Les Roy Hargrove, un soir. Tu sais, c'est avec des musiciens d'ici, du Québec, c'était fantastique. C'était fantastique. Et notre ami Carl... Ben, c'est ça pour moi le Festival de jazz de Montréal, particulièrement eu un moment important. On en parlait tantôt, mais quand j'avais 15 ans, il y avait dans le temps ce qui s'appelait le camp de blues, c'est-à-dire qu'il y avait pendant une semaine, le festival organisait une sorte de camp gratuit pour les jeunes de 13 à 12, 13 ans à 17, 18 ans, puis on formait des combos, puis ça finissait avec un gros concert sur une des grosses scènes du festival. Je savais déjà que je voulais faire de la musique à ce moment-là, mais ça a été vraiment pour moi encore plus concret quand j'ai monté sur le stage devant 2000 personnes puis qu'on jouait nos compositions de blues, tu sais, puis j'ai pas vivre cette énergie-là, j'étais comme waouh, ok, puis là j'ai comme encore plus pogné la piqûre pour ça, tu sais, puis naturellement moi j'ai, tu sais, je venais de Québec, tu sais, j'allais peut-être moins souvent au festival de jazz quand j'étais jeune parce que tu sais c'était quand même loin puis tout ça, tu sais. Mais reste quand même, ça a toujours fait rêver. J'allais checker les programmations, t'sais, voir c'était quoi les artistes qui venaient, puis de voir l'international, puis tout ça. Ça serait à discuter tantôt, à quel point aujourd'hui, quelle place a le festival dans l'univers jazz au Québec. Est-ce que c'est la même qu'à l'époque? Mais en tout cas, pour moi, dans ce temps-là, ça a été comme quelque chose de très marquant. Moi, ce que je retiens, en fait, on en parlait hors d'onde avec André, pour espérer, c'est comment les initiatives peuvent partir d'une façon très, très petite. Ici, tu évoquais, André, le monopole presque du rock qui laissait pas assez de place au blues et au jazz dans les années 70, mais on se rappelle ici l'initiative pour faire venir des groupes de rock progressif britannique, Pink Floyd, le travail déjà d'André Simard. D'Alain Simard. Le travail avec Cosmos, j'ai tout suivi ça en parallèle. C'est KRL existe depuis 73. Et comme ça, tout petit à petit, et même on avait, tu te souviens, des musiciens de jazz qui devaient s'exiler à Toronto. Deux des meilleurs, Claude Ranger, le batteur, et Michel Donato. Était rendu à Toronto. Et c'était assez effrayant parce que là, il y avait comme une espèce de jazz-rock fusion aussi qui commençait à apparaître. Bref, vous fondez ça en 80. On va y aller. Bon, d'abord, peut-être justement, ça, oui, au niveau du contenu, on dit qu'il y a eu des années fortes, 84, 85, 86, où vous avez fait venir beaucoup de groupes européens. Ça s'est atténué un peu les dernières années, entre autres présenté au Jésus, le Vienna Art Orchestra, puis tout ça. On était fous de ça, là. Et puis, donc déjà, ceux qui ont participé en parlaient, différentes formes, faire participer des bandes de cégep ou bien d'écoles secondaires. As-tu vu à un moment donné une évolution, une progression, un changement significatif sur ces 40 ans-là? Oui, ben. Quand tu évoques la musique de rock progressif comme un peu une porte d'entrée, ça nous avait fait comprendre que les chansons pouvaient durer 20 minutes, avoir de très longs développements instrumentaux en plein milieu, et c'était super intéressant. Donc, effectivement, des artistes comme Genesis et Pink Floyd nous ont un peu initiés à ça, et connectés après ça avec John McLaughlin et tout ce qu'il y avait. Le jazz rock était très fort dans les années 70, c'était très dominant. Très, très, très, très. Je me rappelle d'avoir produit ici au Palais Montcalm, Weather Report. Oui. Imaginez Joe Zawinul, Wayne Shorter et Jaco Pastorius sur la scène du Palais Montcalm. C'était quand même fantastique qu'on faisait à Montréal aussi au Théâtre Saint-Denis. Mais à cette époque-là, les goûts musicaux que les jeunes Québécois ont développés avaient beaucoup de facettes comme ça. T'sais, on aimait la bonne musique. Avant tout, tu sais. Et Alain Simard et moi-même, très souvent, on faisait venir des choses pour pouvoir s'en vanter après, pour impressionner nos amis, dans le fond. Dans la vingtaine. Non, mais ça partait de ce genre de réflexe-là. On est comme ça. Attends d'écouter ce qu'on va te présenter. Tu vas voir, c'est... Alors, il y avait là-dedans un petit numéro d'orgueil, mais qui, en même temps, a un peu formé les goûts de beaucoup de monde, puis les nôtres aussi. On était très informés, on était bien placés pour... Donc,

Et jusqu'à 13h, nous parlons jazz à CKRL, mais juste avant, retour sur les lots de l'encan de ce Radioton 2023. Avec, à l'heure du dîner, nous allons parler la boîte à pain. C'est un de nos partenaires depuis de nombreuses années et c'est un certificat cadeau que nous pouvons s'offrir grâce à l'encan de CKRL, Loli. Exactement, il y a deux certificats cadeaux qui sont dans les lots. OK, d'une valeur de 50$. 50$ chacun. Donc entre les pizzas, les viennoiseries, bref, tout ce qui fait l'achalandage des tablettes de la boîte à pain, c'est à découvrir et à se gâter grâce à l'encan de CKRL. Et on continue. Autre univers, on aime ça changer complètement d'univers avec cette fois-ci celui de la joaillerie, des bijoux, bagues, colliers, comment ? Qu'est-ce qu'on a ? Encore une fois, on a deux lots différents, donc une bague en argent et un pendentif en argent. Donc, c'est deux lots différents sur lesquels vous pouvez miser. Il n'y a aucune mise encore sur la bague. Donc ça veut dire moitié prix, finalement? Exactement. Oh! Donc, cette bague est à voir sur le site de CKRL, le collier aussi. Vous pouvez voir en détail tout cela sur ckrl.qc.ca. On revient dans cette émission, cette table ronde. On parle de jazz, donc, d'ici deux petites minutes. Hello, c'est Abigail de Soul Secret Agency et vous écoutez CKRL. Vous êtes en plein Radioton, alors c'est le temps d'être généreux, de dépenser votre argent pour une bonne cause au lieu d'acheter des sous-vêtements sur Internet. Right to your show. Right to your show. Right to your show. Right to your show. Ici Paul André et Lou-Adriane Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heures de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Alors, Denis Lelièvre, avec vous de retour, c'est une émission de discussion, peut-être un petit peu plus loin la musique, mon ami? Ouais, c'est ça. Un petit peu de discussion sur la situation actuelle du jazz au Québec, avec quatre invités. André Ménard, cofondateur du Festival international de jazz de Montréal, de 80 à 2019, c'est tout comme. Simon Couillard et Patricia Deslauriers qui représentent le Festival Jazz en juin, dont ce sera la 5e édition, et Carl Mayotte, musicien émérite, star générationnel, on va le faire rougir, il est habitué, le Connor McDavid de la basse électrique. Je te mets de la pression, mon homme. Alors, on y va, c'est la section centrale. La section centrale, un petit 20 minutes, mais je pense qu'il aura songé à peut-être faire un écho à Wayne Shorter. Et André, je me rappelle très bien la remise du prix Miles Davis à Wayne Shorter. Juste un petit mot là-dessus avant qu'il commence. Peux-tu parler de ça? Oui, ben en fait, il avait été assez ému, je pense, puis en même temps, il était très débonnaire. Il avait fait une imitation de Miles quand il lui parlait. Avec la voix comme ça. Oui, oui, avec la voix éteinte et tout. Et Wayne Shorter est un être extraordinaire. Un homme très, très profond, très, très spirituel, mais en même temps, il avait un côté, comme je dis, débonnaire, un peu easygoing, comme on dit en mauvais français. Et collaborer avec lui, à chaque fois, ça a été fantastique. Autant dans Weather Report, Jaco était compliqué. On va d'ailleurs entendre un bassiste oui. qui semble à peu près aussi talentueux que Jaco Pastorius. Oui, et Joe Zawinul n'avait pas un très bon caractère. Wayne Shorter, c'était celui qui équilibrait un peu cette Et ça nous a fait curieux, parce qu'en fait, Wayne Shorter aurait pu remettre un prix à Miles Davis, parce que l'époque qu'on évoque, celle du milieu des années 60, il compose presque, sinon plus, que la moitié des pièces. Il forme un duo extraordinaire. Alors, Carl, qu'est-ce que tu nous présentes? Un pot-pourri de plusieurs pièces, probablement quelques-unes de mes compos. La musique de jeux vidéo, jazzifiée. On aura l'occasion souvent de parler. Ah, t'es rendu là, t'arrêtes pas, là. Ben, en fait, pour moi, la musique de jeux vidéo, on aura l'occasion d'en parler tantôt, mais c'est un peu aussi une branche du jazz. Le jazz a toujours été dans la musique pop et actuelle pour puiser son inspiration. Je la puise beaucoup dans les musiques de jeux vidéo. Un peu de Wayne Shorter et la musique, quoi. Alors, nous t'écoutons. Carl Mayotte, basse électrique. Thank you. Thank you. On a des connaisseuses ici, c'est incroyable. Puis ouais, qu'il y a des enfants. Elle a peut-être joué elle-même aussi. Non, donc. Elle était elle-même enfant. Et, alors, merci beaucoup, Carl. Merci pour le clin d'œil à Wayne Shorter. Ben oui, ben oui. Footprints, la pièce la plus emblématique, celle qui est le plus reprise. À Wayne Shorter, il y a un beau dommage aussi. Oui, oui, au départ. Oui, tout à fait. C'est une belle synthèse de la vie culturelle de Montréal. Complètement. De certaines façons. La vie culturelle du Québec. Non, et du Québec. C'est vraiment impressionnant. Très franchement... On sait que bon, le jazz puise ses racines dans l'âme humaine et dans son environnement, oui. Mais la virtuosité, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas la ferveur. Et vraiment, là, on a vu un très bel exemple de cette alliance-là entre quelqu'un qui a travaillé très fort, ça paraît. Et, beaucoup d'heures. Ça paraît, mais ça ne se sent pas. Il y a une fluidité là-dedans, il y a quelque chose... Je suis vraiment très, très... Merci, André. C'est ça, me touche. Mon ange m'interdit de pleurer aux 5 minutes, mais je peux vous dire que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Mais André, c'est ça, c'est ce que le public qui le suit ici depuis plusieurs années aime, c'est le plaisir manifeste et évident de jouer. Cette espèce de grand smile tout le temps. Puis c'est celui des gars de son groupe aussi. C'est parce qu'on a vu tellement souvent en jazz des gens avoir de l'air académique, sérieux, à s'embêter sur scène sans aucune interaction avec le public. Mais je pense qu'avec Carl, il incarne, je sais pas si c'est cette nouvelle génération-là, mais en tout cas pour sa musique et son groupe, ce plaisir évident de jouer. Ah ben, merci. Vraiment. Alors, on passe à l'encan. Oui, on passe à l'encan. Et au pub, puis après ça, bon, on revient sur quelque chose de sérieux, là. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, les cinémas Le Clap, leader en matière de diffusion cinématographique de qualité à Québec. Spécialisé dans la présentation d'œuvres marquantes, les cinémas Le Clap offrent à sa clientèle toutes les grandes productions de l'heure, qu'elles soient québécoises, américaines ou internationales. Salut, c'est Margaret Tracteur et je vous invite à encourager votre radio locale en faisant un don pendant ce Radioton. La Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec vous offre 4 salles en location qui vous permettent de tenir vos rencontres en présentiel, en virtuel ou les deux à la fois. Elles peuvent accueillir de 10 à 100 personnes et ce, 7 jours par semaine. Disposition modulable, plafond haut, proximité des transports en commun, parc à vélo intérieur, stationnement facile et Wi-Fi. Pour plus d'informations ou pour faire votre réservation, visitez maison.coop. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier. 99 boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca. Chez Sanimax, nous développons des solutions respectueuses de l'environnement afin de répondre aux besoins des industries alimentaires et agroalimentaires. Chaque année, en récupérant plus d'un million de tonnes de sous-produits animaux et alimentaires, d'huile végétale, de peau et de cuir, nous fournissons un service essentiel, fiable et sanitaire. Pour plus d'informations, 418-832-4645 ou sanimax.com. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Et puisqu'on est dans une heure musicale, justement, nous allons profiter de ce moment pour mettre en avant les lots d'encan qui vous permettront de profiter de musique avec un festival qui s'appelle Festivant. Loli, tu es là pour nous en parler. En fait, c'est un forfait familial, 2 adultes, 2 enfants à Lévis pour l'édition 2023, donc une valeur de 175 $. Quand même. C'est voilà. Ça. Très bien. On peut miser dessus. C'est le lot numéro combien? En fait, encore une fois, il y a 2 lots, donc le 79 ou le 80 à votre guise. Le lot 80 est encore à 85 $. Ce qui fait plus de la moitié du prix de rabais. Fait qu'un plus que 50% de rabais. C'est une aubaine. Faut en profiter maintenant. On change d'univers. Je ne sais pas si tu as vu la une du Journal de Québec hier. 106 chiens dans une maison. On s'entend que c'est pas nécessairement cette façon-là qu'on a de concevoir l'amour des animaux, notamment chez nos partenaires Poils et Plumes, qui sont là pour vous accueillir et vous conseiller, vous offrir des produits de qualité pour vos animaux. Puis justement, le mieux pour en parler, c'est d'en parler avec la propriétaire du magasin. On lui a posé la question, c'est quoi les véritables valeurs de la boutique? Écoute, nous autres, on est une petite grande animalerie de quartier, j'ai envie de dire. On se dépasse par nos millions de conseils qu'on vous offre en alimentation puis en comportement. On fait aussi un service de livraison qui est très apprécié pour la litière, entre autres. On fait des conférences aussi qu'on a fait. On en a fait une la semaine passée. On a l'intention d'en faire d'autres à l'automne aussi, hein, comportement félin avec Alexandra Rick, une comportementaliste féline justement qu'on a à Québec qui est excellente aussi. Un certificat cadeau de 100$ et donc à ramasser pour le prix actuel de 20% de rabais, donc 80$ actuellement. Excellent. Pour toutes ces lots d'encan, pour aller découvrir les 100 lots d'encan qu'on vous propose à la vente jusqu'à demain soir, rendez-vous sur le site de CKRL, c'est www.ckrl.qc.ca. Et pour la suite, on continue bien sûr dans l'univers de jazz avec Denis Lelièvre et ses invités. Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée Nationale. Julie Vignola, député fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député fédéral de Québec. Vous êtes invité au lancement de la collection Méduse comprenant 65 œuvres en art actuel d'artistes de la grande région de Québec. Peinture, sculpture, estampes, vidéo, cinéma, installations multimédia, dessins, photographies, textiles et bien plus. Les galeries de vue, l'œil de poisson, la bande vidéo et Engram seront elles aussi en vernissage. Le circuit Beaumont présentera des œuvres vidéo de la collection toute la soirée. Le vendredi 19 mai, 17h, au 591 rue de Saint-Vallier-Est. Des visites guidées dès 17h30. Complètement gratuit. Dans le cadre du 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL est fier de collaborer à la présentation du concert de Guy Thouin et l'Ensemble Infini le samedi 20 mai 2023 à 15h. Tous les détails sur le 39e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. Et de retour pour parler de l'encan CKRL et des lots que vous pouvez vous offrir, avec lesquels vous allez pouvoir vous gâter ou voire même vous détendre. On parle du peignoir zen. C'est un de nos partenaires pour cet encan, avec cette fois-ci encore des certificats cadeaux à gagner pour se faire du bien. Exactement, donc encore une fois, deux lots. Attends, il faut mettre la musique de quand on se sent bien. Voilà. Là, on est au peignoir zen. Continue. Donc, deux certificats cadeaux de 50$ en esthétique avec Véronique, chacun dans un lot. Donc, Véronique est dans les lots? Non, la coupe de cheveux, l'esthétique est avec Véronique. Donc, deux certificats de 50$ dans chacun des deux lots. OK. Ils sont à 50% de rabais pour l'instant. Pour l'instant. Excellent. On peut miser. Ce sont les numéros combien? Le 40 ainsi que le 39. On quitte l'univers zen et on revient cette fois-ci sur un univers plus lié à ce qui pourrait vous aider au quotidien, avec mon quartier en boîte et un certificat cadeau à gagner pour des produits divers et variés, en fait. Oui, la nourriture, de l'artisanat, des plantes, du savon. C'est... C'est du local, locaux, en c'est fait, du c'est local, ça. C'est écologique, pas de suremballage et c'est livré chez vous à Québec. Oh, excellent ça. Mon quartier en boîte fait partie de ses partenaires de ce Tancan 2023, lot numéro 43. Un certificat cadeau de 50$ qui vaut combien? En fait, on a encore une fois le lot 43 et le lot 44, d'une valeur de 50$ chacun. Et en ce moment, on est à 30 et 35$ respectivement. OK, fait qu'encore un bon rabais, allez miser pour pouvoir bénéficier de ça. Et encore une fois, on le répète, vous pouvez en plus soutenir CKRL en participant à cet encan. Donc, www.ckrl.qc.ca. Pour participer, vous avez jusqu'à demain soir pour vous gâter avec tous les lots qu'on vous offre pour ce Radioton 2023 de CKRL, l'année des 50e de CKRL, c'est pas rien. Salut, c'est Denis Lelièvre, animateur de Midi Jazz et d'univers francophone. CKRL est en plein Radioton. C'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez généreux. Image me. chacun son livre, aux éditions Michel Lafon. Hurlement, d'Alexis Lipsker. J'ai enlevé 5 femmes. Je les fais souffrir, lentement, avec une savante cruauté. Ce n'est que le début. C'est par cette glaçante menace que le célèbre commissaire Venturi se voit défié par un criminel machiavélique qui n'a négligé aucun détail pour concevoir sa machination morbide. Éternel insatisfait et plus pressé que jamais, Venturi se lance alors dans une course contre la montre où l'erreur n'est pas permise. Hurlement est un polar noir à l'intrigue machiavélique et diablement efficace. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des thrillers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Alors, Denis Lelièvre avec vous pour le troisième segment de cette émission portant sur notre passion, le jazz. Quand je dis notre, c'est que j'ai invité, convoqué quatre passionnés de jazz et qui le sont vraiment parce qu'ils n'ont pas compté les heures chacune et chacun dans leur domaine. Alors, je les nomme à nouveau rapidement puisqu'il y a de nouvelles auditrices, de nouveaux auditeurs. Monsieur André Ménard, dont le nom est connu puisqu'il a été cofondateur du Festival international de jazz de Montréal. Patricia Deslauriers et Simon Couillard, qui sont co-directeurs de la programmation du Festival de jazz en juin de Québec, qui aura lieu la fin juin, début juillet, et qui en est déjà une 5e édition, malgré la pandémie. Et puis, Carl Mayotte, que nous venons d'écouter, si vous étiez déjà là, qui est musicien et aujourd'hui porte-parole des musiciens, non seulement de lui. Écoutez, on aimerait parler de tellement de choses, comme par exemple l'évolution des genres et qu'est-ce qu'on peut en faire à partir de 23. Je pense à ce retour, et c'est qui est très très sain, à l'esprit funk, soul de la fin des années 60 via le hip-hop et le rap. On revient constamment ça, avec des chanteuses, entre autres, des gens qui mélangent tout ça, avec le slam aussi. Et puis, la musique néoclassique, tiens, par exemple, qui prend de la place, à laquelle on peut ou non accorder de la place. Et André, je recommence à nouveau aussi avec toi. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a des gens un petit peu orthodoxes qui avaient été surpris de voir ce mélange qu'au fil des ans vous avez offert entre jazz et musique plus populaire. Et vous n'étiez pas les premiers. Un festival qui avait un grand prestige ailleurs, celui de Montreux, faisait déjà ça. Alors, moi, j'aimerais te demander, et c'est ça qui va être très précieux pour Patricia et Simon, comment ce festival a réussi à perdurer, sa pérennité, et sans crise, sans rupture? Parce qu'ici, il y a eu des tentatives honnêtes à une, deux, trois occasions, et pour des raisons que l'on imagine, presque toujours d'ordre financier, ont arrêté. Alors, ce manque de continuité a laissé entendre aux gens, au public d'ici, que c'est pas possible qu'il y ait un festival de jazz ici. Oui. Alors qu'il y a des amateurs et c'est possible. Et donc, comment expliquer cette continuité? Ben la continuité, bon, vous avez parlé d'une certaine diversité qu'il y avait dans la programmation, c'est vrai, c'est assumé. C'est loin d'être ce que Montreux fait, par contre. Oui, ça, c'est sûr. À Montreux, il n'y a presque plus de concerts de jazz. Il faut voir que le jazz, c'est une musique qui est très initiatrice et intégratrice. Le jazz a été influencé, le jazz a influencé beaucoup de musique aussi, mais au niveau de ce qui s'est fait en jazz, ce que le jazz a imprimé dans la musique, le développement musical, les arrangements, les climats, etc. C'est quelque chose qui se retrouve dans toute la musique populaire maintenant. Et si on prend, par exemple, Miles Davis, avant sa mort, son dernier disque était un disque qui était fortement teinté de hip-hop, parce que le hip-hop est aussi un grand récupérateur. Le jazz a fait ça pendant à peu près tout son parcours. Les premières sonorités de jazz, au début du siècle, bon, c'était beaucoup composé, bon, des éléments de blues et des chants, etc. Et bon, ça a débouché sur, et le gospel aussi qui était là à ce moment-là, ça a débouché sur des musiques très diversifiées, le big band, etc. Ça a été suivi par le bebop et tout. Donc, le jazz a toujours évolué comme ça. C'est toujours nourri des autres musiques et a toujours aussi influencé les autres musiques. Il a beaucoup voyagé, il est revenu d'un peu partout avec des sonorités qu'il a intégrées. Donc, pour nous, de rendre compte d'un peu toutes les couleurs du jazz, c'est important. Parfois, ça te fait faire des choix qui étaient peut-être des fois audacieux, des fois erratiques. J'admets qu'on s'est parfois trompé, surtout du côté de la variété. Il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Mais ça, je l'admets bien humblement et c'est pas quelque chose qui me trouble beaucoup parce que le corpus, quand même, du festival de jazz parle pour lui-même. Il y a des choses qu'on a faites qui ont été aussi très fécondes, qui ont donné lieu à d'autres styles pour pouvoir s'illustrer. Donc, je pense que, et je parlais tantôt du jazz anglais, le jazz anglais est très intégrateur des sonorités modernes, etc., qui vont autant de la musique très techno jusqu'à des choses très raffinées aussi. Donc, je pense que toutes ces couleurs-là peuvent se retrouver dans le terrain du jazz. Mais le jazz, foncièrement, c'est une musique de création. C'est pas une musique qui est avant tout commerciale, mais par malheur, parfois, il y a des choses qui vont marcher très fort quand même. Quand on pense que Dave Brubeck a vendu 1 million d'albums avec Time Out, que Miles Davis l'a fait aussi avec... C'était pas des albums destinés à être très populaires, ça l'a été. Et dans l'histoire du jazz, et ça se répète maintenant, mais il faut voir que le jazz a teinté beaucoup d'autres musiques aussi, et il y en a qui vont trouver ça récupérateur. Moi, je trouve ça très sain. Il y a quelque chose là-dedans qui appartient, je pense, au domaine justement de la fusion des genres et du renouvellement, interpénétration. Je pense que là-dedans, c'est le cours de la vie, c'est le cours des choses qui s'illustrent dans le jazz. C'est la musique la plus vivante, c'est la musique qui prend le plus de risques, mais c'est la musique qui a le plus de mérite aussi, à mon avis. Simon aimerait intervenir là-dessus, puis je reviendrai sur l'aspect financier. Okay. Je ne lâcherai pas. OK. Merci, Denis. Ben, c'est certain que les mots d'André m'ont inspiré beaucoup d'idées parce que, en fait, c'est vrai qu'il y avait toutes sortes d'influences au niveau du fusion dans le rock, fusion rock dans le jazz dans les années 70-80. Puis oui, effectivement, Miles Davis avait beaucoup d'idées en musique électrique, électronique, même intégré du hip-hop. Et j'ai eu la chance de côtoyer Wallace Rooney dans ses dernières années avant son décès, puis et lors d'une discussion, je vais me vanter, chez lui, à côté, au New Jersey. J'étais son dernier agent, en fait, avant son décès, et il me parlait justement de ces discussions-là qu'il avait avec Miles par rapport aux nouvelles musiques afro-américaines qui arrivaient dans les années 80, surtout le hip-hop. Et Miles était toujours à l'avant-garde à ce niveau-là. Puis et moi, ça fait peut-être 16 ou 17 ans que je suis en production de jazz, principalement à Québec. Et dans la dernière décennie, c'est époustouflant, les nouvelles fusions dans le jazz. Avec, tu sais, André a parlé beaucoup de la sonde londonienne avec les Go-Go Penguins, Shabaka et tout ça. Puis on a Kokoroko cette année en juin au Grand Théâtre qui est un peu dans cette veine-là de fusion de style. Dans ce cas-ci, musique africaine, afrobeat et un jazz très londonien. Mais dans les derniers 15 ans, tu sais, il y avait Roy Hargrove qui a amené aussi sa sauce. Mais après, il y a eu Robert Glasper, puis il y a eu tous les autres groupes qui ont redynamisé Kamasai Washington et tout. Et tu sais, il y a du jazz dans les musiques populaires, comme André mentionnait. Puis Kendrick Lamar a fait connu des musiciens de jazz par ses enregistrements hip-hop, et ça a tellement fait du bien au jazz. Moi, je suis arrivé en 2006-2007 avec anciennement l'Argo. J'étais à la programmation avec dans l'équipe du Festival de jazz d'octobre, défunt, en 2014. Et fin des années 2000, c'était un festival qui était très puriste, et le jazz se ressemblait beaucoup dans ce qu'on faisait. Et lorsque ce festival-là a cessé, puis qu'on a arrêté d'être la scène jazz du festival d'été en 2013, j'ai eu enfin la chance d'aller au Festival de jazz de Montréal de manière régulière, plusieurs jours. Et ça m'a redonné goût au jazz. J'ai vu que cette diversité-là, en fait, était merveilleuse pour le jazz. J'ai adoré, tu sais, je vais terminer avec ça, mais aller voir un concert de Keith Jarrett ou de Wayne Shorter en début de soirée, puis terminer au Club Soda au Metropolis pour un show de groove. J'ai vu des Jacob Collier au Festival de Jazz de Montréal au Club Soda, plein à craquer, José James, etc. Ça m'a beaucoup inspiré pour m'influencer de beaucoup d'aspects du festival et amener cette énergie-là au festival Québec Jazz en juin avec Patricia qu'on a fondé en 2019. Et je pense que cette année, c'est peut-être la première année qu'on réussit un peu plus avec notre programmation de juin d'arriver à cet équilibre. J'aimerais chercher la parole de Patricia précisément, c'est-à-dire que là, on a pris l'angle, et c'est celui le plus intéressant, du contenu, de la programmation, de où s'en va le jazz. Mais il reste qu'il y a toujours des défis matériels, concrets. Quelles sont tes craintes, toi, par exemple, par rapport à l'avenir ou au futur d'un festival? Qu'est-ce que ça prend comme appui pour vivre, pour survivre? Et on reviendra à André, qui nous parlera de ce succès. Là, tu me poses la question, puis... Parce que t'as fait des demandes, t'as côtoyé des gens qui ont fait des demandes. Oui, c'est énorme. Puis c'est un petit peu plus. En fait, c'est une bataille constante d'avoir l'appui des gouvernements, d'avoir l'appui des villes où on est, mais aussi d'avoir des mécènes, d'avoir des compagnies qui peuvent s'intéresser à cet art. C'est tout un défi d'aller chercher ces personnes-là clés, d'aller chercher ce financement-là. C'est le nerf de la guerre, c'est certain. Mais c'est d'une importance capitale parce que si on veut justement réussir à faire toutes ces amalgames-là puis à durer dans le temps, ça prend des financements. C'est parce qu'André, au fil de ces 40 ans, vous avez eu l'appui de plusieurs institutions financières, banques, à un moment TD, les prix qui étaient accordés, c'était souvent le nom de cette institution-là, et c'était parmi tant de sources l'une des principales, si je ne m'abuse. Ben, TD est le grand commanditaire du festival depuis plusieurs années, mais à l'origine, il n'y avait pas de banque qui s'impliquait dans les festivals de musique. Ah bon, tu vois. Il y avait des fabricants de cigarettes. Oui, il y avait de la cigarette, etc. Beaucoup. Donc, c'est sûr que les financements publics sont ce qu'ils sont, et à un moment donné, ça plafonne, c'est sûr. Au niveau de la commandite, on a été très chanceux. On a eu une équipe de commandite extraordinaire, dont Jacques-André Dupont était le maître d'œuvre. Et de ce point de vue-là, on était chanceux parce que les commanditaires s'intéressaient au festival à cause des foules qui y venaient à l'extérieur. Et nous, ça nous aidait à financer aussi les concerts en salle. Donc, parce que les concerts en salle n'étaient pas tous rentables. Ceux à Wilfrid Pelletier se financent par eux-mêmes parce que les recettes sont importantes et les prix des billets sont en fonction de ce que l'artiste veut. Dans le cas des plus petites salles, évidemment, comme au Jésus, etc., la recette n'est pas importante et parfois l'artiste vient de loin, ça prend des avions, ça prend des hôtels et tout. Donc, ces séries-là ne sont pas rentables. Nous, on équilibrait sur le total et non pas sur chacune des séries. Parce que si on prend chaque concert individuellement, il ne peut pas toujours se justifier. Donc, ça, c'était la recette magique, c'est la recette secrète du festival et qui a réussi à prospérer malgré qu'il faisait parfois des choses qui n'étaient pas trop payantes. Mais il faut voir qu'il y a du développement là-dedans aussi. On peut faire un artiste dans une petite salle, puis après ça, espérer que ça va grandir. Je me rappelle qu'on a pris un risque à un moment donné avec Mélodie Gardot, que je vois au programme de Jazz en juin. Oui. Mélodie Gardot, je l'avais vue dans un club à Londres. Je l'avais trouvée tellement extraordinaire. Elle avait qu'un EP de 6 chansons. Et j'ai dit, d'ordinaire, on avait une démarche, on les mettait sur la rue, la première rue, sur une scène. Après ça, ils faisaient une première partie, une autre année, etc. Dans son cas, elle, je savais qu'il fallait faire vite. J'ai eu des intuitions des fois, je me suis souvent trompé. Mais dans son cas, elle, je me suis dit, on va la rentrer au TNM un soir. Le lendemain, c'est le 1er juillet, on fait pas de show. Et on va continuer après. On a fait 4 soirs. Le premier soir, on avait 300 personnes dans la salle, c'est une salle de 700 places. Mais après la première et les critiques qu'elle a eues et tout, on a été sold out les 3 autres soirs. C'est la dernière fois que j'ai vu. Valorisant. C'est la première fois que j'ai vu ce genre de mécanique-là opérer, parce que c'était très risqué cette fois-là. Mais elle, ça avait été instantané. Même chose avec Michael Bublé, quand il était venu faire 10 soirs au cabaret du musée Juste pour rire. À l'instar de Diana Krall, qui avait fait la même chose en 94, pour les développer, pour les faire connaître, on les avait mis là. Dans les deux cas, avant la fin de la série, c'était complet, et ils sont revenus faire des salles importantes, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Sauf que, bien sincèrement, j'avais dit en conférence de presse que Michael Bublé était pour être aussi important que Dan Aykroyd. Je pensais pas qu'il remplirait des arénas et des stades. Bien franchement, j'aimais mieux Dan Aykroyd. C'était trop, mais, là. Donc, c'est sûr que c'est à le faire, à le pratiquer. Des fois, tu as des intuitions. D'autres fois, tu sais qu'il va falloir travailler. Mais on a toujours eu un fort appui de notre département, comme on dit. Et ça, ça a été le grand secret du festival. Et les pouvoirs publics aussi sont venus, mais avec le temps. Au début, le festival de jazz n'avait aucune subvention. On l'a fait avec Télé-Québec qui nous aidait avec en finançant des tournages de télé les deux ou trois premières années. Télé-Québec était notre grand bienfaiteur. Après ça, bon, les pouvoirs publics ont embarqué parce qu'ils voyaient que les gens venaient et tout. Mais Alain Simard avait un génie politique assez important aussi. Il me laissait le soin. C'est le plus politique des deux. Il me laissait le soin de m'occuper des artistes, et ce qui faisait bien mon affaire. Encore, j'ai d'excellents amis dans la politique, oui. Mais c'était pas ça. Mais Alain avait bien compris que c'était son rôle à lui, en plus qui était un grand amateur de musique. Et lui, contrairement à moi, lui, il joue de la musique. Il joue piano, guitare, orgue. Alors que moi, j'ai jamais joué une note de musique de ma vie. C'est la grande source de mon complexe d'imposteur. T'es un mélomane, toi. Mélomane, ça va. Écoutez, on a la chance d'avoir un musicien avec nous, Carl Mayotte. Et Carl Mayotte représente quand même un cheminement, je dirais, exemplaire et heureux. C'est-à-dire, quand il s'est inscrit au bac en musique à Laval, il connaissait déjà pas mal de choses. Il est allé à Montréal prendre, je pense, un doctorat ou une maîtrise quand même à McGill. Et il n'a pas hésité, quand il s'agissait d'un projet, par exemple, d'aller demander à des gens connus comme Michel Cusson, peux-tu faire quelque chose pour moi? Peux-tu m'aider comme musicien, comme producteur éventuellement? C'est ce qu'il a fait. Alors, dans un sens, c'est une réussite. Mais lui aussi a des inquiétudes, est à l'écoute des autres musiciens, et c'est là-dessus que je veux qu'on termine. Okay. Merci de la belle introduction, Denis. Premièrement, en fait, j'aimerais juste ramener la discussion qu'on a surtout au jazz au Québec, puis les défis qui sont en lien avec le Québec, parce qu'on parlait de belles histoires, puis c'est vraiment intéressant, mais en lien avec des artistes, surtout internationaux. Mais moi, la question souvent je me pose, c'est comment, comme artiste québécois de jazz, comment faire pour gagner sa vie, littéralement, ou juste réussir. Puis j'ai beaucoup réfléchi à ça, puis j'ai beaucoup demandé à des amis à moi qui sont musiciens, beaucoup d'acteurs, des différents acteurs dans le milieu. Puis je pense qu'on serait dû pour une sorte d'état généraux un peu du milieu jazz au Québec, ce serait vraiment intéressant, parce que de qu'est-ce que j'en sors des différents acteurs comme les artistes, les festivals, les diffuseurs, les gouvernements, les écoles. Je pense que chacun chacun des défis à réaliser pour pouvoir un peu amener le jazz ailleurs, parce qu'on se le cachera pas, malgré qu'il y a plein de belles choses qui se passent dans le jazz. Le jazz est quand même en diminution quand on regarde les cotes d'écoute. Je pense qu'il y avait une statistique qui avait sorti peut-être 4-5 ans, au niveau de la place du jazz dans la vie des gens, puis c'est en constante diminution, malheureusement. J'en suis triste, mais je pense que c'est à chacun de nous de faire chacun des défis. Je pense que les festivals, c'est beaucoup d'encourager aussi les artistes locaux québécois, d'amener du jazz d'ailleurs, faire de la place à la diversité, mais surtout beaucoup encourager les gens locaux. Les diffuseurs, c'est de prendre des risques. C'est très dur comme musicien de jazz. Moi, je suis une personne qui fait mon booking indépendamment. Faut que j'ai contact, parce que premièrement, c'est très dur de trouver une maison de disques et de booking quand t'es artiste jazz au Québec, t'sais. Fait que faut que t'apprennes aujourd'hui à en faire toi-même. D'ailleurs, je pense que c'est un travail des artistes aujourd'hui de se recycler, de se réinventer, puis trouver une manière, on en a tellement pas entendu parler de ça, mais de se trouver une manière de faire soi-même. Faut devenir quelqu'un, comme ils disent en anglais, de DIY, de do it yourself. Ce qui est primordial, puis qu'on en prend moins dans les écoles aujourd'hui. Puis d'ailleurs, le jazz est une musique très scolarisée au Québec, t'sais. La plupart des artistes jazz sortent des écoles. Il y aurait peut-être manière, des fois, je pense, en parlant avec plusieurs musiciens, de repenser nos programmes scolaires et de comment on les enseigne. Et des fois, sont-ils trop conservateurs, pas assez, enseignent-ils les bonnes choses? Je pense qu'il y a plein de questions qu'on pourrait se poser. Mais moi, il y a beaucoup d'amis avec qui j'étais à l'école qui sortent des écoles de jazz et ne veulent plus jouer de jazz parce qu'ils en sont écœurés. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dedans. Premièrement, comme élève, de comment on voit les écoles, mais aussi comme école, de comment on fait notre programme. Et après ça, le gouvernement, je pense qu'il y a plein de choses à repenser, puis c'est pas juste en jazz, mais à comment on distribue les subventions aussi. T'sais, encore aujourd'hui, on distribue beaucoup de subventions, soit aux maisons disques ou tout ça, puis c'est super correct parce que c'est des acteurs importants, mais je pense que le marché musical aujourd'hui est en changement et il doit avoir, je pense, plus d'argent qui doit aller à la base, soit aux créateurs. On en avait beaucoup entendu parler avec Philémon Simon il n'y a pas longtemps. Mais oui, donc c'est un peu mon point, c'est une sorte de cercle. Je pense que si tout le monde on fait notre truc là-dedans, on peut avancer parce qu'au final, c'est juste d'aller chercher des gens qui écoutent la musique et surtout des jeunes. Moi, je fais beaucoup de classes de maître dans les écoles secondaires. La plupart des jeunes connaissent même pas ça. On n'en voit même plus à la télé de la musique instrumentale, point à la ligne, bien souvent. C'est très rare, il y en a. Mais donc, il faut trouver une manière soit de re-rentrer là-dedans comme ça a été fait dans les années 80-70 ou de créer un mouvement à part. Mais bref, je pense qu'il y a une question d'identité et de fédération, une sorte de fédération de jazz qu'il faudrait créer d'ailleurs. Dans le monde. Bref. Moi, je comprends. Très intéressant, oui. Tu veux ajouter, André? Il reste que les grandes villes de jazz qui servent toujours d'exemple. On parle de New York, qui est en perte de vitesse d'ailleurs, à mon avis. Les clubs à New York... ce programme, maintenant, il ferme à 9h30 le soir. Genre. C'est comme ah ça. Oui, il semble que non, enfin, comme Village Vanguard est déjà à 7h30, 9h30, il n'y a plus de 7-11h comme il y avait quand j'y allais il y a un bout de temps. Les grandes villes de jazz, sinon que celle de Londres, qui est quand même assez saine, les autres, et c'est des villes qui, avec des populations de 10-15 millions, oui, ouais. Nous, on a affaire quand même à des bassins à Montréal de 2 millions. Ici, c'est dépassé 1 million maintenant. C'est quand même pas énorme pour supporter tous les styles musicaux et tous les genres. À Montréal, les clubs de jazz vraiment légitimes, il y en a deux qui ont une vraie programmation, c'est le Upstairs et le Diazos. Les autres sont des endroits qui programment le jazz de façon utilitaire, décorative. Et je dis pas ça de façon méprisante, mais ça fait partie d'un package de certains restaurants, etc. Heureusement, parce que ça fournit de l'emploi aussi, mais c'est pas forcément des endroits qui sont dédiés de façon... la primauté de leur opération est pas forcément d'avoir du jazz, mais ça, c'est Montréal, et quand même, c'est bon, c'est la métropole du Québec. Il reste que pour pouvoir... il y a des évolutions, comme vous dites. Sur le plan médiatique, bon, c'est sûr que à Nouveau et à Radio-Canada, etc., il y a presque plus de jazz. Par contre, il faut avoir le talent aussi d'aller chercher les gens là où ils sont maintenant, c'est beaucoup sur Internet. Et ça, là-dessus, il y aurait peut-être des initiatives collectives à faire pour pouvoir aller plus loin là-dedans. On a essayé de faire une station de radio-jazz à Montréal. Oui, je me souviens, avec toi. Jazz. J'en étais le directeur général, mais pas le propriétaire majoritaire. Et on a eu une dissension à un moment donné. Ils voulaient que de la musique vocale. J'ai dit, une musique vocale soft, juste pour ça. J'ai une station qui s'appelle Rock Détente. Ça existe déjà, le Rock Détente. Tu sais, si on fait ça, j'ai t'arrêté. Non, mais. Oui. Donc, de pouvoir fédérer la scène du jazz et pouvoir y donner une meilleure présence, je pense que c'est une bonne idée. Il y a des moyens modernes pour y parvenir maintenant, qui ne sont pas d'aller cogner à la porte de Radio-Canada tout le temps, parce que ça donne plus rien, je pense. C'est entre autres. Il nous reste une minute, donc 20 secondes. Un dernier mot de la part de Patricia et de Simon. Oui, je pense que c'est à chaque personne de faire son action. Le mot « jazz » a été galvaudé, le terme, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Je pense que c'est ça aussi qu'il faut se poser la question, parce que les gens, quand ils sont sensibles devant une personne qui joue bien, avec émotion, qui maîtrise son instrument, qui partage, oui, une émotion, virtuosité et émotion, ça touche tout le monde. Pour vrai. Alors, c'est comment rejoindre cette personne-là, ces gens-là, mais ça, faut y réfléchir, mais c'est pas peine perdue, d'après moi, parce que les gens sont capables de s'émouvoir devant quelqu'un qui... Alors, ben... Moi, juste pour terminer, je suis très d'accord avec les points amenés par Carl. Tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts depuis la COVID. J'espère que ça va continuer pour créer un regroupement de tous les intervenants de jazz au Québec. Mais comme disait Patricia, c'est un peu le rôle de tous les intervenants de se battre pour aller chercher la nouvelle clientèle. OK, je te laisse là-dessus. Merci infiniment d'être venu, d'avoir participé à ce court échange. André Ménard, Patricia Deslauriers, Simon Couillard, et puis Carl Mayotte, je me nomme Denis Lelièvre. On passe à l'encan. Le Radioton, c'est maintenant.